À quoi bon se battre pour demain quand on nous laisse l'avenir entre nos mains? Mais de quel bois qu'on peut chauffer sans faire de vagues avant même d'allumer? Cette répétition moderne, tout droit sorti de les portes de l'Éden. Je ne peux plus endurer cette rengaine. Tout le monde est bien prêt à faire de sienne, et moi de même. À quoi bon se battre quand c'est perdu d'avance? On risque de faire toute une saga immense. À quoi détruire quand c'est si dur de construire? Puis quand la vertu vient nous éblouir. Du premier jour de la vie, ce qui est bon est bien fini. On ne peut plus revenir en arrière. Le seul détour, c'est bien celle de la lumière. De tourner comme un carrousel, m'étourdit à faire suivre l'éternel. J'aimerais bien que tout cela soit si simple. Quand je m'assis, puis que je tombe dans l'air.